Le comité préparatoire du Parti communiste pour la journée de la brillante étoile est constitué le 23 janvier en Allemagne. Le comité a fixé l'espace du 23 janvier au 16 février comme période de célébration et décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles comme séminaires, meetings de célébration et colloques pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité préparatoire national roumain pour la journée de la brillante étoile est constitué au Parti socialiste roumain.